Bon, ci biir bagage yi di nga ci fekk benn balance bu nga xam ne balance électronique la 10 kilos. Balance boobu noonu dafa sensible, day mën na gis ay gramme ak yu demee noonu. Balance boobu te aussi dafa ànd ak transfo, mën na jël batterie, mën na jël transfo. Léegi soo monté transfo yi da ngay génne batterie yi pour mu bañ a yàqu. Mais batterie yi tamit kii na bu fekkee ne courant amul affaire yu demee noonu mën nga ko ci dugal. Am na aussi benn piqûre, maa ngi ko doon souligner sànq bi ma tuddee ci wàllu parfum yi, benn piqûre bu nga xamante ni moom ngay chargé parfum yi. Balance boobu noonu su fekkente ni dafa am ku ko soxla foofu mi ngi fii mi ngi fi jar à peu près 9000. Piqûre bi mi ngi fi jar à peu près 1400. Barakallahu fi.